C'est l'espace béant, l'étendue impassible, quelque chose d'affreux, de trouble et de perdu qui fuit dans tous les sens devant l'œil éperdu. La cécité, glacée, est plus qu'un marbre lourde, une tranquillité muette, aveugle et sourde, l'horrible intérieur d'un sépulcre infini. Cependant, un reflet sur mon linceul jauni me fit tressaillir, mais tout restait immobile. Et je vis dans cette ombre une lueur tranquille, un flamboiement profond, fixe, silencieux, pareil à la clarté que ferait à nos yeux derrière un rideau noir une torche allumée. Et nul bruit ne sortait de l'ombre inanimée, car, sachez-le, vivant, hors du clair firmament, l'affreuse immensité se tait lugubrement. Cette clarté semblait à la fois vie et flamme, regardée comme un œil et pensée comme une âme. Ce n'était cependant qu'un voile, et l'on sentait derrière la lueur quelqu'un qui méditait.